Les délégués à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung et lieu sacré de la révolution, le haut lieu révolutionnaire de Chilgol, le cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesong, le musée de la guerre de libération de la patrie et le musée central d'éducation de classe. Elles ont vu l'opéra révolutionnaire « Je vois la victoire de la révolution ».